l'ennui. Avec la vivacité et la grâce qui lui étaient naturelles quand elle était loin des regards des hommes, Madame de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur le jardin quand elle aperçut près de la porte d'entrée la figure d'un jeune paysan presque encore enfant, extrêmement pâle et qui venait de pleurer. Il était en chemise bien blanche et avait sous le bras une veste fort propre de ratine violette. Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l'esprit un peu romanesque de Madame de Rênal eut d'abord l'idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée qui venait demander quelque grâce à Monsieur le maire. Elle eut pitié de cette pauvre créature, arrêtée à la porte d'entrée et qui évidemment n'osait pas lever la main jusqu'à la sonnette. Madame de Rênal s'approcha, distraite un instant de l'amer chagrin que lui donnait l'arrivée du précepteur. Julien, tourné vers la porte, ne la voyait pas s'avancer. Il tressaillit quand une voix douce dit tout près de son oreille « Que voulez-vous ici, mon enfant ?» Julien se tourna vivement et, frappé du regard si rempli de grâce de Madame de Rênal, il oublia une partie de sa timidité. Bientôt étonné de sa beauté, il oublia tout, même ce qu'il venait faire. Madame de Rênal avait répété sa question. « Je viens pour être précepteur, madame, » lui dit-il enfin, tout honteux de ses larmes qu'il essuyait de son mieux. Madame de Rênal resta interdite. Ils étaient fort près l'un de l'autre à se regarder. Julien n'avait jamais vu un être aussi bien vêtu, et surtout une femme avec un teint si éblouissant lui parler d'un air doux. Madame de Rênal regardait les grosses larmes qui s'étaient arrêtées sur les joues si pâles d'abord et maintenant si roses de ce jeune paysan. Bientôt elle se mit à rire, avec toute la gaieté folle d'une jeune fille. Elle se moquait d'elle-même et ne pouvait se figurer tout son bonheur. Quoi ? C'était là ce précepteur qu'elle s'était figuré comme un prêtre sale et mal vêtu qui viendrait gronder et fouetter ses enfants ? Quoi, monsieur ? Lui dit-elle enfin. Vous savez le latin ? Ce mot de « monsieur » étonna si fort Julien qu'il réfléchit un instant. « Oui, madame, » dit-il timidement. Madame de Rênal était si heureuse qu'elle osa dire à Julien « Vous ne gronderez pas trop ces pauvres enfants ?»« Moi, les gronder ?» dit Julien étonné. « Et pourquoi »« N'est-ce pas, monsieur » ajouta-t-elle après un petit silence et d'une voix dont chaque instant augmentait l'émotion, « vous serez bon pour eux, vous me le promettez ?» Madame de Rênal, de son côté, était complètement trompée par la beauté du teint, les grands yeux noirs de Julien et ses jolis cheveux qui frisaient plus qu'à l'ordinaire, parce que pour se rafraîchir, il venait de plonger la tête dans le bassin de la fontaine publique. Enfin, elle revint de sa surprise. Elle fut étonnée de se trouver ainsi à la porte de sa maison avec ce jeune homme presque en chemise et si près de lui. « Entrons, monsieur. » lui dit-elle d'un air assez embarrassé. De sa vie, une sensation purement agréable n'avait aussi profondément ému Madame de Rênal. Jamais une apparition aussi gracieuse n'avait succédé à des craintes plus inquiétantes. Ainsi, ses jolis enfants, si soignés par elle, ne tomberaient pas dans les mains d'un prêtre sale et grognon. « Mais est-il vrai, monsieur ? » lui dit-elle en s'arrêtant encore, et craignant mortellement de se tromper, tant sa croyance la rendait heureuse, « Vous savez le latin ?» Ces mots choquèrent l'orgueil de Julien et dissipèrent le charme dans lequel il vivait depuis un quart d'heure. « Oui, madame, » lui dit-il en cherchant à prendre un air froid, « je sais le latin aussi bien que monsieur le curé, et même quelquefois il a la bonté de dire mieux que lui. » Madame de Rênal trouva que Julien avait l'air fort méchant. Il s'était arrêté à deux pas d'elle. Elle s'approcha et lui dit à mi-voix « N'est-ce pas les premiers jours, vous ne donnerez pas le fouet à mes enfants, même quand ils ne sauront pas leur leçon ?» Ce ton si doux et presque suppliant d'une si belle dame fit tout à coup oublier à Julien ce qu'il devait à sa réputation de latiniste. « Ne craignez rien, madame, je vous obéirai en tout. » Ce fut en ce moment seulement, quand son inquiétude pour ses enfants fut tout à fait dissipée, que Madame de Rênal fut frappée de l'extrême beauté de Julien. La forme presque féminine de ses traits et son air d'embarras ne semblèrent point ridicules à une femme extrêmement timide elle-même. L'air mâle que l'on trouve communément nécessaire à la beauté d'un homme lui eût fait peur. « Quel âge avez-vous, monsieur ? » dit-elle à Julien. « Bientôt 19 ans. »« Mon fils aîné a 11 ans, » reprit Madame de Rênal tout à fait rassurée. « Ce sera presque un camarade pour vous. Vous lui parlerez raison. »« Quel est votre nom, monsieur ?» lui dit-elle avec un accent et une grâce dont Julien sentit tout le charme, sans pouvoir s'en rendre compte. « On m'appelle Julien Sorel, madame. Je tremble en entrant pour la première fois de ma vie dans une maison étrangère. J'ai besoin de votre protection et que vous me pardonniez bien des choses les premiers jours. Je n'ai jamais été au collège, j'étais trop pauvre. Je n'ai jamais parlé à d'autres hommes que mon cousin, le chirurgien-major, membre de la Légion d'honneur, et monsieur le curé Chélan. Il vous rendra bon témoignage de moi. Mes frères m'ont toujours battu. Ne les croyez pas s'ils vous disent du mal de moi. Pardonnez mes fautes, madame. Je n'aurai jamais mauvaise intention. » Il eut sur le champ l'idée hardie de lui baiser la main. Bientôt, il eut peur de son idée. Un instant après, il se dit « Il y aurait de la lâcheté à moi de ne pas exécuter une action qui peut m'être utile et diminuer le mépris que cette belle dame a probablement pour un pauvre ouvrier à peine arraché à la scie. » La violence que se faisait Julien le rendit de nouveau fort pâle. Il dit d'un air contraint « Jamais, madame, je ne battrai vos enfants, je le jure devant Dieu. » Et en disant ces mots, il osa prendre la main de madame de Rênal et la porter à ses lèvres. Elle fut étonnée de ce geste et, par réflexion, choquée. Monsieur de Rênal, qui avait entendu parler, sortit de son cabinet. Du même air majestueux et paterne qu'il prenait lorsqu'il faisait des mariages à la mairie, il dit à Julien « Il est essentiel que je vous parle avant que les enfants ne vous voient. » Il fit entrer Julien dans une chambre et retint sa femme qui voulait le laisser seule. La porte fermée, monsieur de Rênal s'assit avec gravité. « Monsieur le curé m'a dit que vous étiez un bon sujet. Tout le monde vous traitera ici avec honneur, et si je suis content, j'aiderai à vous faire par la suite un petit établissement. Je veux que vous ne voyiez plus ni parents ni amis. Leur ton ne peut convenir à mes enfants. Voici 36 francs pour le premier mois. Mais j'exige votre parole de ne pas donner un sou de cet argent à votre père. » Monsieur de Rênal était piqué contre le vieillard qui, dans cette affaire, avait été plus fin que lui. « Maintenant, monsieur, car d'après mes ordres, tout le monde ici va vous appeler monsieur, et vous sentirez l'avantage d'entrer dans une maison de gens comme il faut. Maintenant, monsieur, il n'est pas convenable que les enfants vous voient en veste. Les domestiques l'ont-ils vu ? » dit monsieur de Rênal à sa femme. « Non, mon ami, » répondit-elle d'un air profondément pensif. « Tant mieux. Mettez ceci, » dit-il au jeune homme surpris, en lui donnant une redingote à lui. « Allons maintenant chez monsieur Durand, le marchand de draps. » Plus d'une heure après, quand monsieur de Rênal rentra avec le nouveau précepteur tout habillé de noir, il retrouva sa femme assise à la même place. Elle se sentit tranquillisée par la présence de Julien. En l'examinant, elle oubliait d'en avoir peur. « De la gravité, monsieur, » lui dit monsieur de Rênal, « si vous voulez être respecté de mes enfants et de mes gens. » « Monsieur, répondit Julien, je suis gêné dans ces nouveaux habits. Moi, pauvre paysan, je n'ai jamais porté que des vestes. J'irai, si vous le permettez, me renfermer dans ma chambre. » « Que te semble de cette nouvelle acquisition ? » dit monsieur de Rênal à sa femme. Par un mouvement presque instinctif et dont certainement elle ne se rendit pas compte, madame de Rênal déguisa la vérité à son mari. « Je ne suis point aussi enchantée que vous de ce petit paysan. Vos prévenances en feront un impertinent que vous serez obligé de renvoyer avant un mois. » « Eh bien, nous le renverrons. Ce sera 100 francs qu'il m'en pourra coûter, et Verrières sera accoutumé à voir un précepteur aux enfants de monsieur de Rênal. » L'heure que Julien passa dans sa chambre parut un instant à madame de Rênal. Les enfants, auxquels on avait annoncé le nouveau précepteur, accablaient leur mère de questions. Enfin, Julien parut. C'était un autre homme. C'eût été mal parlé que de dire qu'il était grave. C'était la gravité incarnée. Il fut présenté aux enfants et leur parla d'un air qui étonna monsieur de Rênal lui-même. « Je suis ici, messieurs, » leur dit-il en finissant son allocution, « pour vous apprendre le latin. Vous savez ce que c'est de réciter une leçon. Voici la Sainte Bible. » C'est la partie qu'on appelle le Nouveau Testament. Je vous ferai souvent réciter des leçons, faites-moi réciter la mienne. » Adolphe, l'aîné des enfants, avait pris le livre. « Ouvrez-le au hasard, » continua Julien, « et dites-moi le premier mot d'un alinéa. Je réciterai par cœur le livre sacré, règle notre conduite à tous jusqu'à ce que vous m'arrêtiez. » Adolphe ouvrit le livre, lut un mot, et Julien récita toute la page avec la même facilité que s'il lui parlait français. Monsieur de Rênal regardait sa femme d'un air de triomphe. L'amour-propre de Monsieur de Rênal était inquiet. Loin de songer à examiner le précepteur, il était tout occupé à chercher dans sa mémoire quelques mots latins. Enfin, il put dire un vers d'Horace. Julien ne savait de latin que sa Bible. Il répondit en fronçant le sourcil, « Le saint ministère auquel je me destine m'a défendu de lire un poète aussi profane. » Monsieur de Rênal cita un assez grand nombre de prétendus vers d'Horace. Il expliqua à ses enfants ce que c'était qu'Horace, mais les enfants, frappés d'admiration, ne faisaient guère attention à ce qu'il disait. Ils regardaient Julien. Pour que rien ne manquât au triomphe de Monsieur de Rênal, comme Julien récitait, entrèrent Monsieur Valneau, le possesseur des beaux chevaux normands, et Monsieur Charcot de Maugiron, sous-préfet de l'arrondissement. Cette scène valut à Julien le titre de monsieur. Les domestiques eux-mêmes n'osèrent pas le lui refuser. Le soir, tout Verrières afflua chez Monsieur de Rênal pour voir la merveille. Julien répondait à tous d'un air sombre qui tenait à distance. Sa gloire s'étendit si rapidement dans la ville que peu de jours après, Monsieur de Rênal, craignant qu'on ne le lui enlevât, lui proposa de signer un engagement de 2 ans. « Non, monsieur, » répondit froidement Julien. « Si vous vouliez me renvoyer, je serais obligé de sortir. Un engagement qui me lie sans vous obliger à rien n'est point égal. Je le refuse. » Julien sut si bien faire que, moins d'un mois après son arrivée dans la maison, Monsieur de Rênal lui-même le respectait. Le curé étant brouillé avec Messieurs de Rênal et Valneau, personne ne put trahir l'ancienne passion de Julien pour Napoléon. Il n'en parlait qu'avec horreur.